pouvez voir qu'il y a tout un agenda là, pour l'incorporation d'éléments biologiques dans le numérique ou technologique ou vice-versa, là, qui donnerait place à des cyborgs. Puis ça, dès les débuts de la cybernétique, ça a été vu comme ça a été vu, puis on était averti de faire attention. Mais les êtres humains n'écoutent pas. Il y a eu plein de films de Terminator sur les dérapages possibles de la technologie. Puis les films deviennent de plus en plus sophistiqués en parallèle avec une technologie qui se complexifie, puis des algorithmes de plus grande intelligence artificielle. Même dans le temps, les premiers temps de la cybernétique, on s'en servait pour calculer les angles où des obus allaient atterrir au niveau de l'artillerie. Puis par après, ben, on a commencé à servir des mêmes formules par rapport à des gens qui avaient été blessés à la guerre, qui manquaient un membre pour servir de la cybernétique pour créer des membres artificiels. Puis. Mais même dès les années 40, il y en a qui ont sonné l'alarme parce qu'ils voyaient les dérives possibles de la cybernétique, jusqu'où ça pourrait aller. Parce que la cybernétique, c'est du vivant synthétique quelque part. C'est basé sur les mêmes lois mathématiques que le vivant, sauf que c'est synthétique, entre autres. Mais c'est surtout la science de ce qui est l'autorégulé, le système, le systémique, le vivant, c'est systémique, puis c'est pareil, la technologie. Comme dans le temps, ben, les machines à vapeur explosaient. Fait que là, un moment donné, il y en a un qui a dit, on va mettre une affaire qui tourne par la pression de la vapeur avec deux boules, puis là, plus si ça tourne trop vite, les boules vont s'éloigner du centre, ça va lever des trappes, puis le trop-plein de vapeur va sortir. Puis ça a été d'un premier système autorégulé, machinal. Puis là, mais dès les débuts de l'ère industrielle, tu avais les luddites, le puis après, tu as eu le néoluddisme du monde qui sonnait l'alarme. Qui disait, puis dès que c'est apparu ces choses-là, on a dit c'est l'avancement, puis Le on s'en va vers progrès. le progrès, une société nouvelle. Ben oui, ils ont sorti les femmes puis des enfants des fermes, des campagnes, ils les ont envoyés dans des mines à charbon puis des villes puis dans des manufactures. Tu sais, à chaque fois, il va y avoir une déshumanisation parce que ça tient pas compte du vrai systémique, de la vraie technologie qui est le vivant.